Les Innocents, partie 3. Прослушайте текст и скажите, сколько обвиняемых было осуждено и почему отпустили одного из них. Monsieur le juge, je ne suis pas trafiquant de drogue. Un homme inconnu s'est approché de moi au coin de la rue et il m'a dit: Mon vieux, tu as l'air honnête. Prends ce paquet et mets-le dans ta poche. J'ai un trou dans la mienne et je rentre chez moi pour la raccommoder. Je serai de retour dans quelques minutes. J'ai cru ce qu'il m'a dit. Il m'a transmis le paquet et il a disparu. Bientôt, mes camarades sont arrivés et ils m'ont dit « Mais tu es fou ! Ouvre le paquet ! Peut-être que c'est une bombe !» Nous sommes entrés sous un porche. Nous étions en train d'ouvrir le paquet quand un agent de police nous a surpris. Il m'a amené ici. Je suis coupable, a avoué le quatrième accusé. Je suis coupable d'entrer en compétition avec le gouvernement. Je contrefais de l'argent. De plus, je vends la fausse monnaie moins chère que le gouvernement. Par patriotisme, je vais renoncer à cette entreprise pour mener une vie plus honorable. Le juge écoute le témoignage des accusés. Il réfléchit et puis il annonce sa décision. Je condamne les accusés des trois premiers procès à 6 mois de prison. J'annule le jugement contre le dernier accusé. Monsieur, dit le procureur, pourquoi mettez-vous en liberté cet homme qui a aussi commis un crime ? Il était coupable, non ? Vous avez raison, monsieur le procureur. Il est coupable. Mais si je le mets en prison, tous les innocents se plaindront. Eux, ils ne voudraient pas vivre avec un criminel. Je veux donc le libérer.